to him. Allez, ferme-la, écoute ça et arrête-moi des salades. Les baisers, les baisers, les baisers, les baisers, les baisers, les baisers. Les baisers, les baisers, les baisers, les baisers, les baisers, les baisers. Les baisers, les baisers, les baisers, les baisers, les baisers, les baisers. Les baisers, les baisers, les baisers, les baisers, les baisers, les baisers. C'est du gourou, c'est un ambo. Ah ouais, baby, je suis un ambo. Jano ou Rambo, ne compte même plus tous les commos. J'ai rappelé la street, la rue m'a validé. Mes gamins sont là, écrits à manité. Les gens n'aiment pas les gens, mais aiment l'argent des gens. Les hommes aiment bien les gens, les femmes aiment bien les gens. C'est un cercle vicieux dans un carré d'as. Les petites ambitieuses sont au là. Les filles égales, elles se pour la dollar. Sur les infirmières, tous les arénas. La vie se complique, mec, y'a plus de micmacs. L'humaine se brise en plus de kitchen. Y'a moins d'euros en plus de guichets. Y'a plus de merde dans le rap, my chain. Les baisers, les baisers. Les baisers, les baisers. Pour une cause dont j'ignore la raison. Changer le monde, dis-moi qui pourrait. Le terme mal commandé, là, il mourut. L'ex-patron qui finit petit bourré. Le monde est triste, pas difficile pour un. Les vrais qu'on isole, les qu'on rigole. La vie de moi que ça me désole. Hello les salopes, c'est plus pour le bien, vous passez le salope. J'suis en hélico, au-dessus de je ne vois tes fesses à l'air. On est tous dans la rue, mais l'argent pour tout le monde n'est pas sale. Allez, ferme-la, écoute ça et arrête-moi tes salades. Les baisers, les baisers, les baisers, les baisers, les baisers, les baisers. Les baisers, les baisers. Les baisers, les baisers, les baisers, les baisers. Les baisers, les baisers. Les baisers, les baisers, les baisers, les baisers. Les baisers, les baisers. Les baisers, les baisers, les baisers, les baisers. Ta vie tient qu'un coup de fil de zif et tu disparais. J'ai de l'argent et des tasses. Putain, pourquoi ils étaient tous pareils? T'es le moins puissant du monde et tu veux finir avec une vierge. Tu fais le plus pieux du monde et au moins de soucis, t'éclates un verre. C'est bien de faire un rappel, mais rappelle-toi, est-ce que tu l'appliques? C'est elle t'appelle Marlène, mais y'a un an, et tu sais la bite. J'ai que t'aimes l'argent, t'es pas là pour mon cœur. Ouais, suce ma bite, mon cœur, c'est mon côté beatmaker. Ce week-end, j'suis dans une ganda, c'est un télo qui lit. Mes gars sont sur le raté, pélo, gozi, c'est Balotelli. Les baisers, les baisers, les baisers en pique avant tout de la résine. Encaisser, encaisser, encaisser les caches, les billets et les pièces. Les pédales aiment crier, les bonhommes parlent gentiment. J'ai un côté meurtrier, regarde la forme de mon continent. Ratata, ça va scintiller, on aime bien qu'on le pontille. Va pas repartir entier, on va te coquer comme un antillais. Laisse-moi faire mes bails, légal ou illégal. Arrête par les dalles, qui veut trahir, graille. Laisse-moi faire mes bails, légal ou illégal. Arrête par les dalles.